Et maintenant, c'est l'interview explosive. C'est une interview assez courte. Alors, Benjamin, courte l'interview. Hein. Oui, c'est pas repassé Freddy. Benjamin, alors comme tu viens pour nous parler de ton appli Trippers, qui sert, je le rappelle, à avoir tous les taxis dans une application. C'est ça. Je vais te faire une interview taxi. Okay. Alors, tu es plutôt Joe le taxi ou Sami Nasseri? Sami Nasseri. Tu es plutôt taxi G7 ou taxidermiste? Oh, taxidermiste, parce que la G7, je les aime pas beaucoup. Oh là là, ça balance pas mal à Paris. Plutôt Robert De Niro ou Ryan Gosling? Robert De Niro. On vient d'en parler. Plutôt taxi provinciaux ou taxi parisien? Taxi provinciaux. Pourquoi? Parce que les taxis parisiens progressent, mais... Ils écoutent les grosses têtes trop fort. Et enfin, ça, plutôt taxi écolo ou taxi alcoolo? Ah, j'hésite. J'hésite. Allez, alcoolo. Ah, Benjamin avait été notre invité. Tu peux rappeler ton application? Trippers, tous les taxis dans une appli. Quand vous avez besoin d'un taxi, que ce soit en ville ou à l'aéroport, Trippers, vous trouvez tout ce qu'il vous faut. C'est une appli gratuite. Gratuite, 100% gratuite. Vous commandez un taxi en un clic et il arrive avec 0 euro au compteur. Voilà, vous le trouvez sur l'App Store, Android, c'est Google Play. Android, exactement, ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah, télécharger. Bah, voilà. Simplement. Allez, téléchargez tous Trippers. Allez. Allez, c'est parti. On sort tous nos smartphones. Allez.